yoga, yoga, yoga, lay. On traîne dans la rue depuis trop longtemps. Fume la queue trop pour te relaxer. Bah ouais ma gueule on n'est pas content. Depuis petit on est désaxé. Ouais. Il prend son flash à l'épicerie parce que la rue elle est vicieuse. Il a même arrêté le lycée. Pour mes indiens mais pas qui. On n'oublie pas le Sri Lanka. Barbare comme en Afrique. Ils arrivent et ils tirent dans le tas. Et je suis un top boy. Fais pas des top boys. J'ai mon indienne. Elles sont le monnoy. Qu'est-ce que t'as vu que j'ai pas fait? Reste à l'affût, on va te baffer. Un gros joint d'herbe et un café. Posé dans le hall, négro, ça le fait. Ah. Et j'ai vu ce qu'il est plan pourri. Une épicerie, une puce Lika. Et du poulet tandoori. Cigarette à l'unité. Du roro dans la cité. Toujours gentil et discret. Sous le matelas, les billets. Il me faut des clubs, les camomilles. Il faut des fêtes, les camomilles. Il faut un fun, les camomilles. Il faut une puce, les camomilles. Merci Krishna. Merci Krishna. Oh merci Krishna. Oh merci Krishna. Il est en bas de la cité. Et sa pierre elle est givrée. Celui qui se moque de mes gendous. Tête de wam on va le niquer. Des bagarres, des amitiés. Mais sa mère elle me néco. Eh vas-y on est quitte. On met tout ça de déco. Qu'est-ce que tu crois? Depuis tout petit on est en bleu sang. Dès Lascar on en a blessé. Les yeux ouverts quand c'est bresson. Je vois mes carailles qui s'entretuent. Seigneur laisse-moi une chance de plus. J'ai déjà la maille, il manque le luxe. Krishna, il faut que je change de bus. Je traîne dans les quartiers sombres. Je connais les rimes et les partitions. Tout est noir à la Artisson. J'ai que deux yeux mais un tas de vision. Pour mes Harbi et mes Timal. Mes Chinois et mes Baptou. Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Sans oublier mes Tamouls. Il faut des clubs, les camomilles. Il faut des feuilles, les camomilles. Il faut un fun, les camomilles. Il faut une puce, les camomilles. Merci Krishna. Merci Krishna. Oh merci Krishna. Ouais merci Krishna. Cigarette à l'unité. Du roro dans la cité. Toujours gentil et discret. Sous le matelas les billets. Il me faut des clubs, les camomilles. Il faut des feuilles, les camomilles. Il faut un fun, les camomilles. Il faut une puce, les camomilles. Merci Krishna. Merci Krishna. Oh merci Krishna. Ouais merci Krishna. Il me faut des clubs, les camomilles. Il faut des feuilles, les camomilles. Il faut un fun, les camomilles. Il faut une puce, les camomilles. Merci Krishna. Merci Krishna. Oh merci Krishna. Ouais merci Krishna. Merci Krishna. Ah, Usu. You need we need we need business. Les camomilles sont sensibles. Jiggity checks, biggity spray, motherfucker. Ow!